Qu'est-ce que tu fais? C'est le livre d'or. C'est le livre d'or. Bonjour. Bonjour. Bon, je t'en vais déjà ça. Ouais. Un mot sur voilà. Est-ce que vous avez un... Tranquille, hein. T'arrives. Quoi, pour la soirée FCOM? Ouais. FCOM fucking bourrage. Tu vas l'écrire, ça. Putain, je vois rien. En plus, t'as une écriture patte de mou. Bah oui. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Il faut que ça continue, qu'il y ait une scène avec elle. Ah ouais, ce soir c'était énorme.

couleur 3.